rêve de Porto Rico, on rêve de partir au calme. On rêve de s'aimer encore, on rêve de vie d'Aloca. Mais on se contente de ce qu'on a, un peu d'humour, beaucoup de love. Accro à l'autre, on se quitte pas, ensemble à deux on vaut de l'or. On est peut-être pas les plus beaux, mais sûrement les plus comblés. Peut-être pas les plus nombreux, mais on sait sur qui compter. On est sûrement les plus drôles, on a ce qu'il faut, on se complète. Des fois un peu parano, mais on se kiffe comme on est. Pas besoin d'argent ou de Ferrari. Moi je m'en fous de ce que pensent les gens tant qu'elle me fera rire. Souvent on délire, on chante, oui on fait notre vie. Je sais qu'on finira ensemble, tout est écrit. On s'appelle, on se couche tard, je passe mon temps au tel. On s'envoie quelques snaps comme des potos, on se check. Mais jamais on se quitte, les jaloux on écarte. La relation est clean, on parle de prendre un appart. Pas besoin de villa ou de luxe, on s'en fout et on s'aimera. De voyage au bout du monde, on s'en fout et on s'aimera. Nos problèmes, on s'en fout et on s'aimera. Le reste n'est que détail tant que je finis dans ses bras. Mais alors je sais qu'au fond on se ressemble. Pas de doute en effet pour être ensemble. En vérité c'est vrai que je t'ai dans la peau. Si tu vas mal, j'ai mal, je te cache pas que je suis tombé dans le love. Ta femme, t'es mon homme et ensemble on a trop la classe. Personne peut rivaliser, dans mon cœur je t'ai verrouillé. Impossible de baisser les armes après tout ce qu'on a traversé. Et dans tes bras je retrouverai mon réconfort. Je culpabilise quand je sais que j'ai tort. On sait ma mort. J'avais le destin si un jour le temps nous sépare. Sentiment incontrôlable. T'as visé sur mon cœur, je n'avais pas de gilet pare-balles. Tombé dans les larmes. Pas besoin de villa ou de luxe. On s'en fout et on s'aimera. Voyage au bout du monde.